Chérie FM, c'est vos années 2000 avec Usher. Chérie FM, la playlist 2000 qui fait du bien. Chérie FM, feel good music. Salut, c'est Matt Pokora sur Chérie FM, feel good music. T'aimerais que je te dise que je t'aimerai toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit. Et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle et qu'apparaisse en plein jour dans le ciel un milliard d'étoiles pour que je fasse un vœu sans que mon soleil se voile et qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Et j'aimerais me cacher sous tes paupières me voir quand tu fais tes prières, et j'aimerais les casser toutes ces lumières, celles qui t'empêchent de voir un peu plus clair. Mais je ne pourrais te dire je pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ, et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, bébé, c'est un nouveau départ. Oh,